Wish TV est heureuse de vous annoncer le retour de... Il est revenu de chez les rats, le héros. Je suis un peu faible, mais ça va, ça va, je vous assure. Le plus connu de nos bâtisseurs est également le plus grand des héros. Il a vécu plus de 3 semaines seul dans les galeries, poursuivi par les rats. Oh non, pas les rats, Mais il a survécu. Le grand dirigeant a déclaré: Ravencraft est la fierté de nos amis bâtisseurs. La nuit des masques fêtera l'anniversaire de Wish City, mais elle fêtera également le retour de Ravencraft. Wish TV est fier de dire merci Ravencraft, merci d'avoir survécu. Wish TV, c'est notre télé, c'est votre univers. Wish TV. Wish TV. Vous en avez marre des mauvaises Immonde. J'ai éteint la télé. Nous étions tous les trois assis sur le canapé dans mon appartement. Mila avait pu une fois de plus s'échapper du palais. Ravencraft était de retour. Pourquoi les rats l'avaient-ils laissé en vie? J'étais présent ce jour-là. Il était à leur merci, coincé contre la paroi du tunnel. Il n'avait pas pu s'échapper, non. Sauf si Ratis n'était pas qu'un simple rat. Wish City, mon appartement. Il le porte en héros. Et il n'a rien fait. Je hais mon père. Je hais mon père pour se servir des médias comme ça. Et de... Je vois pas le rapport avec ton père, moi. Il se sert de Ravencraft comme Ravencraft va sûrement se servir de lui. En montrant que Ravencraft a pu échapper au rat, il dit à tout Wish City que finalement, malgré les attaques successives dans les territoires extérieurs, les rats ne sont pas si dangereux. Tout ça pour que personne ne s'affole. Et tout ça pour bander les yeux de son troupeau d'imbéciles. Mila s'est levée pour aller jusqu'à la baie vitrée. Elle a fait glisser la vitre pour sortir sur le balcon. Booz l'a rejoint, hésitant. C'est un peu ce que tu pensais depuis le début, non? Qu'on n'était que nous trois à connaître. Enfin, à se rendre compte que les rats, c'était vraiment pas des gentils. Je restais là sur le canapé. Je sais. Ça me fout les boules, tout ça. On va réussir. Moi, j'ai confiance. Pas vrai, Squeak? Booz a tourné la tête vers moi. Hein? Pas vrai, Squeak? Squeak? Mila s'est elle aussi tournée vers moi. Comment il a fait? Je veux dire, comment Ravencraft a pu leur échapper? Et puis pourquoi il était aussi... Il paraissait si... si malade. On voyait ses veines. Il y a trop de questions auxquelles je trouve pas de réponse. Disons que 3 semaines sans avoir vraiment de bonne nourriture et presque pas d'eau... Aérer dans les galeries, ça aide pas à garder la forme, Squeak. Non, c'est pas ça. J'étais là, Mila. Il était coincé par 2 rats. Ravencraft ne pouvait pas s'enfuir. Il n'avait aucun moyen de leur échapper. À moins que... À moins qu'il décide de le laisser en vie. Mais pourquoi? Pourquoi il ferait ça? Peut-être qu'ils sont pas si méchants que ça, alors. Qu'ils ont un peu de pitié. Ou alors... Ravencraft a été assez malin pour monnayer sa survie. Mais comment? Et qu'est-ce que les rats pourraient attendre de Ravencraft en retour? Ça... J'en ai aucune idée. Wish City, le palais. Grand dirigeant, mais ces 2 scientifiques ont insisté pour venir vous parler. Mais de quoi? Que me veulent-ils, voyons? C'est au sujet du rat qu'ils ont analysé. Un rat? Ils ont analysé un rat? Oui, celui qui a été assommé dans la galerie ouest par des creuseurs. Qu'ils approchent! Hey, vous pouvez venir! Merci bien, mais grand dirigeant. Pas de courbettes, je vous prie. Je suis en pantoufle. Vous n'êtes pas crédible. Pardon. Oui, pardon. Alors, de quoi vouliez-vous me parler? Nous avons étudié le rat de près. De très près, même. Oui. Et nous avons découvert qu'outre des déformations génétiques causées par... des expériences extérieures, dirons-nous, il porte en eux un germe. Oui, le germe d'une maladie. Une maladie? Quoi donc? De l'urticaire, des mycoses plantaires? Non, grand dirigeant, bien plus grave. Disons que si cette maladie venait à se répandre dans Wish City... Mais en gros, on y passerait tous. Les rats portant une maladie si puissante que toute la civilisation de Bifwish pourrait disparaître.